Bonjour, donc vous entendiez l'indicatif d'Angela Davis. Là-dessus, nous allons parler aujourd'hui de lutte sociale à l'occasion du Forum social mondial. Nous avons plusieurs invités, dont Samuel Raymond du Forum social mondial, qui est membre du comité d'organisation. Nous allons aussi recevoir Dor, qui est journaliste indépendant à Montréal, qui a écrit un article récemment sur lequel nous reviendrons, et Sylvain de la Convergence des luttes anticapitalistes. Alors, c'est comme ça qu'on nous commençons l'émission tout de suite sur les chapeaux de roue. Alors, avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Samuel Raymond. Donc, tu peux nous parler de ton implication au sein du Forum social mondial? Ça vient d'où? Absolument. En fait, j'ai commencé à m'impliquer il y a environ un an et quelques mois. Au début, en fait, c'est seulement une personne qui avait déjà participé à certains forums sociaux, qui est une amie qui m'avait parlé de la possibilité de m'impliquer à Montréal. Et à ce moment-là, je connaissais pas du tout les forums sociaux mondiaux. J'étais juste quelqu'un de curieux. Depuis un an, je me suis impliqué sur plusieurs groupes de travail et même certains comités autogérés qui s'intéressent à des thématiques en particulier qui vont être abordées durant le FSM. Bon, par rapport au groupe de travail, je me suis intéressé à la mobilisation et aux relations internationales. Puis au groupe de travail Accueil, qui est un groupe de travail qui s'intéresse à accueillir les gens à n'importe quel moment du processus organisationnel au sein du collectif, puis leur donner certains outils pour mieux comprendre c'est quoi la FSM, c'est quoi les valeurs. Puis ensuite, ben, d'être un peu comme une courroie de transmission, puis les envoyer vers les ressources, vers ce qui les intéresse au sein de ce collectif-là. Puis je me suis intéressé aussi à des comités autogérés, comme par exemple celui sur la décroissance, celui sur l'agriculture, celui sur l'environnement. Donc, oui, c'est ça. OK. Pourquoi organiser un forum social mondial à Montréal? Bien, il y a plusieurs choses. C'est une grande question. En fait, le collectif qui s'est mobilisé dès 2013, qui avait été créé à la place Émilie Gamelin comme un simple appel, avait vu qu'il était intéressant de faire ça à Montréal pour... La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux qui ont éclos à Montréal depuis 5-6 ans. Donc, on peut penser à Occupy, à la grève étudiante, à Idle No More, au mouvement contre les pipelines, la lutte contre l'austérité. Donc, tout ça, tous ces mouvements-là, il semblait intéressant d'approfondir la critique, puis d'amener un forum social à Montréal pour réunir les sociétés civiles internationales pour se pencher encore plus sur les sujets donc, qui étaient apportés à ce moment-là. Il y avait un autre aspect aussi, c'est que depuis quelques années, les forums sociaux mondiaux, il y a certains acteurs, actrices qui s'impliquent dans ceux-ci, qui avaient une certaine critique à porter sur la manière dont ça évolue. Et puis, il y avait une des choses était de sortir du clivage nord-sud. Donc, de dire, oui, il y a des problèmes au sud, oui, c'est intéressant, il faut absolument se mobiliser ensemble pour réfléchir collectivement à des solutions. Mais il y avait aussi l'idée de dire que cette réflexion-là, on en a besoin dans le nord-occidental parce qu'on a beaucoup d'impact, on a beaucoup de responsabilités quant aux conséquences, aux symptômes, si on peut dire, des choses qu'on fait dans d'autres pays, si on pense au Canada avec les minières ou les paradis fiscaux. Donc, c'est-à-dire, donc il faut amener dans l'antre, si on veut, du capitalisme ou du néolibéralisme, cette réflexion-là même. Et puis, l'autre aspect, bien, c'était que Montréal est une ville aussi qui a une reconnaissance au niveau artistique et culturel. Donc, il semblait avoir tous les éléments en jeu pour dire que ça serait intéressant de faire ça ici. Au-delà du fait de l'organiser à Montréal, pourquoi organiser le Forum social mondial? Pourquoi organiser le Forum social? Eh bien, en 2007 et 2009, il y a eu deux forums sociaux, les forums sociaux québécois. À l'occasion de ces deux forums sociaux-là, il y a plein de gens qui ont formé des amitiés dans l'organisation, tout ça. Et puis, c'était des gens qui tournaient autour pas nécessairement des forums sociaux mondiaux, mais des forums sociaux thématiques ou des forums sociaux des peuples, ou bon, tout ça. Et puis, c'est à l'intérieur de l'organisation des forums sociaux québécois qu'a émergé l'idée de faire un forum social mondial. Pourquoi cet événement-là, au-delà de d'autres choses? Bien, l'objectif, en fait, de Forum social mondial, oui, c'est un événement, mais c'est un processus. Donc, l'idée, c'est de faire avancer un processus qui souhaite une réelle réflexion critique, lucide et agitée, créée par les mouvements sociaux sur leur propre processus qu'ils vivent depuis 2001, mais même avant et puis après. Donc, le Forum social mondial semblait un espace... À travers les valeurs qui ont été énoncées en 2001, semblait un espace semblait un moment ou un espace-temps privilégié pour amorcer cette critique-là, puis continuer plus loin. Puis aussi, les forums sociaux ont une certaine notoriété, dans le sens où il y a plusieurs gens à travers le monde, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, qui justement reconnaissent l'aspect très intéressant pour réseauter, créer des nouvelles solidarités. Donc, il y avait toutes ces questions-là. Là. Ouais. Quel est le programme du Forum social mondial? Le programme, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Pendant la semaine, en fait, si je peux essayer d'aller rapidement, là, je ne veux pas monopoliser le micro non plus, mais le 9 août, on a l'événement d'ouverture, donc qui se passe au Parc La Fontaine, à partir de 2 heures. Et puis, à 5h30, il y a une marche de mobilisation qui va partir du Parc La Fontaine pour aller à la place des festivals. Et puis là, il va y avoir un événement d'ouverture avec cérémonie pour dire qu'on est en territoire non cédé, autochtone, et puis des gens impliqués dans les forums sociaux, impliqués cette année aussi du collectif. Donc, ils vont prendre la parole, il va y avoir des artistes qui vont prendre la parole, donc ça va être un peu un grand rassemblement pour marquer le début de l'événement. Du 10 au 12 août, on a les 1300 activités, donc 1300 activités présentées par 1102 organisations. Là, c'est les chiffres qu'on a jusqu'à maintenant, j'ai regardé aujourd'hui. Donc, 1300 activités qui tournent dans ce qu'on appelle des activités autogérées, donc qui ont été autoprogrammées par les organisations. Et puis là, ça va vraiment dans plein de sens, si on veut, dans plein de sortes de thèmes. Par exemple, il y a des conférences sur le parcours, la lutte au travail contre les violences faites aux femmes. Il y en a une sur Trump et la radio poubelle, les revenus de base, l'écologie, les logiciels libres. Il y a même des gens qui vont profiter du forum social pour créer des manifestes. Donc, ça va être des projections, des expositions, des performances, des tables rondes, des conférences, des ateliers de travail. En après-midi, on a aussi ce qu'on appelle les assemblées de convergence. Donc, les assemblées de convergence, c'est une activité qui a été créée pour répondre à une critique des forums sociaux mondiaux qui est « c'est bien beau, mais on fait juste parler ». Donc, les assemblées de convergence, c'est une activité qui mérite encore d'être approfondie, même après le forum social. On est transparent là-dessus. Donc, on commence tout juste à essayer de comprendre c'est quoi la méthodologie, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour une assemblée de convergence. L'assemblée de convergence, c'est 5 organisations de 2 continents différents minimum 5 organisations. Donc, il peut en avoir 20, il peut en avoir. Et puis, qui s'organise autour d'une thématique. Là, je prendrais, par exemple, l'agriculture urbaine. Et puis, il invite les citoyens et citoyennes, il invite la société civile à participer à l'Assemblée de convergence, puis pour qu'à la fin de celle-ci, il y ait des initiatives qui soient créées. Donc, ça, c'est les initiatives font partie d'un des objectifs du FSM de Montréal, de passer de la réflexion à l'action. Donc, la création d'initiatives, c'est là-dessus qu'on se base pour dire qu'on va passer à l'action par la suite, puis probablement créer des... assurément créer des plans d'action. Donc, on a les assemblées de convergence aussi du 10 au 12. Et le soir, on a ce qu'on appelle les grandes conférences. Donc, c'est des événements d'envergure, dans le sens où il va y avoir des centaines de personnes disséminées dans à l'UQAM, le Complexe des Jardins, la SAT, le Monument National, à McGill et à Concordia. Et puis les grandes conférences, ben l'objectif c'est de sensibiliser sur des enjeux actuels, que ce soit par exemple la guerre en Syrie, il y en a la justice fiscale, donc sur l'écologie, sur les féminismes, donc il y en a sur plein de sujets. En fait, ils sont reliés aux 13 axes thématiques du forum de cette année. Et puis donc à la fin de ces 3 jours-là, on a le 13 et 14 août. Deux journées récapitulatives, si on veut. Donc, le 13 août, il y a ce qu'on appelle l'Agora des initiatives. Donc, toutes les initiatives, on en souhaite des centaines, vont avoir été élaborées durant la semaine, vont être amenées le matin, le 13 août, créer une convergence de ces initiatives-là, puis dire, bon, est-ce qu'on peut échanger? Et ça va être un processus horizontal, dans le sens où les gens vont se rencontrer au parc et vont, porteuses d'initiatives, pour échanger sur qu'est-ce qui a été développé et qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut émerger, bon, tout ça. Et dans l'après-midi, il va y avoir une présentation de ces initiatives-là à l'intérieur d'un calendrier qui va être présenté d'une façon artistique. On ne sait pas encore exactement comment. En fait, oui, on sait, il y a la possibilité de faire une espèce d'arbre géant. Donc, c'est en discussion en ce moment. Il y a des artistes qui travaillent là-dessus. Et puis, le calendrier va permettre aux gens qui ne vont pas nécessairement avoir assisté à toutes les assemblées de convergence, ce qui est un peu impossible, et à toutes les activités autogérées, de sélectionner les luttes, les plans d'action qui vont avoir été élaborés, puis d'ensuite ben, pouvoir entrer en contact avec les gens qui ont élaboré ces plans d'action-là pour la suite du forum social. Le soir, le 13 août, il y a une soirée festive finale, pas finale, de clôture. Et le 14 août, ben, c'est comme on aime dire, en fait, c'est comme le premier jour vers le changement dans le monde. Ça peut paraître un peu idéaliste, mais dans le fond, c'est comme un appel à l'engagement, un appel à essayer un appel à endosser des plans d'action, à essayer d'avancer pour après le forum social. Donc, ça va toujours se passer au Parc Jarry. Et comme d'habitude aussi, il va y avoir la rencontre du Conseil international qui se fait à chaque fin de forum social mondial. Ça ressemble un peu à ça. J'ai oublié de dire aussi, il y a des activités hors Montréal. En ce moment, il y en a une soixantaine. Il y a des choses qui se passent à Haïti, des choses qui se passent dans des pays en Afrique, en Amérique du Sud. Donc, l'objectif, c'est de permettre une participation à distance, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs obstacles à la participation ici, à venir ici, les questions de visa, tout ça. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est utiliser en quelque sorte la technologie pour permettre cette participation à distance-là pour les gens qui n'auront pas pu se déplacer, mais aussi les gens qui font des actions locales dans leur pays, mais qui veulent que ça soit discuté avec des gens ici, puis qu'on puisse, échanger là-dessus. Voilà. Bien, merci. Ça fait un peu quand même le tour de qu'est-ce qui s'annonce comme étant un gros événement. Oui. On a invité aussi Drar qui a écrit un article dernièrement que j'ai reçu. C'est une des raisons pourquoi j'ai organisé ce panel aujourd'hui, qui s'appelle « Les difficultés du Forum social mondial 2016 à Montréal ». Alors, bonjour. Bonjour. Et je te laisse aussi te présenter comme tu veux. Je suis Drar à Montréal. Je fais partie de la coalition BDS Québec, donc une coalition qui travaille non seulement en solidarité avec la Palestine, mais plus précisément pour essayer de mettre en place la campagne BDS, donc la campagne de boycott des investissements et sanctions, qui est le moyen le plus approprié aujourd'hui pour faire pression sur l'État d'Israël pour qu'il respecte le droit international. Et donc c'est au titre de cette organisation, et aussi parce que je suis enseignant et syndicaliste, et que en tant que syndicaliste, je participe aussi au forum, que je veux toujours porter dans le Forum social mondial le message de BDS et essayer de le pousser le plus en avant. Et donc j'ai rejoint un petit peu le comité d'organisation du Forum social mondial pendant quelques semaines, et puis j'ai un peu été échaudé par certaines choses, donc j'en suis un peu sorti, mais je vais quand même participer au Forum social mondial, mais sans faire partie du comité d'organisation. Et puis on a Sylvain aussi de la Convergence des luttes anticapitalistes qui a écrit, c'est pas nécessairement lui, mais la Convergence des luttes anticapitalistes a écrit « Pourquoi nous n'irons pas au Forum social ?» Absolument. Tu veux expliquer ta participation à ce panel et ton questionnement par rapport au Forum social mondial, ton ou votre questionnement? Nous à la CLAC ou ben dans les différentes personnes genre avec qui on en a jasé pour écrire ces textes là dans le fond, notre position c'est vraiment que si on participe au si jamais on inclut nos activités dans le cadre du forum social, ben on donne plus de publicité pour un événement qui était problématique à nos yeux à plusieurs niveaux, notamment historique, sauf qu'on considère quand même que les participants participantes puis les organisateurs organisatrices pour la plupart d'entre eux puis d'entre elles ils font un énorme travail, et puis on comprend ça puis on respecte ça, sauf qu'en même temps on peut pas juste participer à quelque chose qui est quand même une trahison historique, et puis on rentrera peut-être un peu dans les détails un peu plus tard. Fait que c'est ça, nous on ne participe officiellement pas, mais on organise une manifestation en parallèle pour que ben, les gens du Sud ils puissent venir voir qu'est-ce qu'on fait avec leurs richesses au Nord ici, puis se servir du Forum social pour essayer de faire un vrai espace pour le changement social, tu sais. J'ai donné beaucoup de temps à cette entrevue d'aller en profondeur, comme le dit le titre de l'émission. Mais j'aimerais commencer par des questions qui m'ont été envoyées par rapport au Forum social mondial. La première est, quel est le but du Forum social mondial à part de faire un FSM juste pour faire un FSM? Et quel travail a été fait pour être inclusif dans l'accessibilité aux pays du Sud, aux Autochtones et aux marginalisés? OK. En fait, première chose, je vais dire que humblement, j'ai pas réponse à tout, parce que c'est quand même une grosse bébite, le Forum social mondial. La première question, c'est... Excuse-moi, j'ai oublié la première question. Quel est le but du FSM à part de faire un FSM juste pour faire un FSM? Ben, je pense que le but du FSM, c'est pas de faire un FSM juste pour faire un FSM. Il y a plusieurs choses, mais j'en ai parlé un peu dans mon introduction. Une des premières choses, c'est dans l'organisation même du FSM, essayer de construire un collectif qui soit en phase avec certaines valeurs. Donc, il y a cinq valeurs, excusez-moi. L'autogestion, l'horizontalité, l'indépendance des partis politiques, militaires et religieux, la transparence et l'inclusion, l'ouverture. Donc ça, c'est un premier défi. C'est un gros défi. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre quand on souhaite organiser un événement de cette ampleur-là. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est un peu un laboratoire, une école, ce qu'on a appris depuis 3 ans. Le deuxième, c'est... Le FSM, c'est pas juste pour faire un événement pour le FSM. Toutes les personnes qui agissent dans le FSM, de près ou de loin, ont des objectifs, ont des luttes qui leur tiennent à cœur, reliées à l'environnement ou reliées à BDS, par exemple, ou la chute du capitalisme. Tout ça, les gens ont des intérêts aussi, pas des intérêts, mais des vues sur la manière dont ils aimeraient les choses changent. Donc ça, c'est de pouvoir... en discuter dans un événement, puis en ressortir avec des pistes d'action. Donc, de se nourrir de toutes les gens qui vont être là à cet événement-là, avec des qui viennent de cultures organisationnelles ou de simplement de cultures très différentes. Mais on fait le pari. C'est un peu un pari dans le sens où on se rencontre, puis on pense que ça va pouvoir être tellement riche, pas nécessairement en quantité, c'est pas l'aspect quantitatif, mais c'est l'aspect qualitatif. Donc, il y a des initiatives qui vont être portées après le Forum social de Montréal, qui ça va être très dur de dire « Ah, tiens, ça, c'est le Forum social qui a créé ça. » Puis souvent, ça, on nous demande ça dans les grands médias, c'est comme « Qu'est-ce qui va ressortir? Donnez-nous des noms. Regarde, on pourrait bien faire ça. Ça a déjà été fait dans d'autres forums sociaux. Si on pense, par exemple, au budget participatif à Porto Alegre, au la marche mondiale des femmes, qui a été aussi élaborée dans les premiers forums sociaux, ou la taxe Robin des Bois, des choses comme ça. Mais... je pense que de s'attarder, par exemple, à des choses très précises, c'est aussi des fois de mettre sous vide une activité, alors que ça va plus loin que ça. Donc, les gens qui participent à un FSM, ils ont une expérience unique de participation citoyenne. Et puis, quand je parle de citoyen, je parle dans une vision large de ce que c'est la citoyenneté. Puis, on fait en quelque sorte un pari que tout ça va servir à pouvoir mettre les bases d'un changement dans le monde. Donc, la FSM, en soi, va pas changer le monde. On se leurre pas. Mais il va probablement faire éclore des choses dans la tête de jeunes ou de gens qui viennent de d'autres pays ou des gens qui viennent d'ici, qui ont jamais été allumés par n'importe quelle cause, qui ont jamais réfléchi à des situations. Bien, on espère que ces gens-là, ils vont pouvoir ramener ça dans leur milieu respectif, puis faire... continuer ce réveil-là, parce qu'on en a besoin d'un. Donc ça, c'est l'objectif principal que moi j'ai relevé dans ma participation à FSM. Ce sont des questions qui font référence aussi aux objections, aux critiques que vous avez soulevées dans vos textes respectifs aussi? Oui, mais l'intention est louable et moi j'ai participé à d'autres forums sociaux avant. Je trouve qu'effectivement, on peut pas savoir ce qui va en sortir. Il peut en sortir des choses. On rassemble des gens et puis on voit ce qu'il en sort. On peut pas reprocher aux organisateurs qu'il en sorte rien, parce qu'après tout, c'est les gens qui font le forum, c'est ceux qui viennent. Et à la deuxième question aussi, quel est le travail a été fait pour être inclusif dans l'accessibilité aux pays du Sud, aux autochtones et marginalisés? Je sais que c'est entre autres un problème pour les Palestiniens et les Palestiniens en ce moment. Oui, mais alors c'est là que je voulais en venir à ma critique précise, en tout cas à celle de l'objet de l'article que j'ai écrit dans The Dissident, c'était pour dire ok, là c'est pour la première fois un forum social dans un pays du Nord, dans un pays riche, dans un pays colonial, ça pose des défis, ça pose des questions. C'est pas, encore une fois, c'est pas de la faute des organisateurs si ces questions sont très difficiles à résoudre, mais à mon sens elles ont été elles sont pas résolues ou pas résolues de façon satisfaisante. Après, peut-être que la tâche était trop difficile, mais on pourra peut-être revenir dessus. Mais c'est les défis d'un pays comme ça, effectivement, comme on disait, l'accessibilité, le fait d'avoir des visas, mais le fait de financer un tel événement sans toucher à de l'argent sale. On est dans un pays riche, donc Je veux dire, c'est pas pour dire que dans les formes sociales qui a lieu en Tunisie, l'argent était propre, hein, c'est clair que, mais on pouvait espérer que dans un pays comme le Canada, on pouvait faire avec, sans aucun sponsor, disons, autre que citoyen, disons, propre, on va dire, et bon, ben, c'est inévitable. Peut-être aussi, alors c'est une question à laquelle il sera très difficile de répondre, mais peut-être aussi que le fait de s'associer à des, ne serait-ce que les organismes qui hébergent le Forum social, la ville de Montréal qui donne beaucoup, qui prête beaucoup d'espace, est-ce que le fait de collaborer avec ces entités-là empêche du coup le Forum social de s'engager sur certaines voies parce qu'ils ont peur de choquer leur sponsor, je sais pas, mais comme on a vu certaines frilosités sur certains sujets, enfin moi en tout cas sur la Palestine, on s'est demandé si c'était dû à des peut-être à une la peur de certains sponsors, mais on n'a pas de réponse à ça. Donc. Sylvain, de la convergence des luttes anticapitalistes. À mon sens, c'est vraiment une autre. Tu sais, je veux dire, historiquement, le Forum social est né du remplacement des Encuentros Intergalácticos qui était organisé par les apatistes. Dans le fond, c'est en s'organisant avec les apatistes, genre que les forums sociaux sont arrivés. Et puis, essentiellement, les apatistes ont été foutus dehors des forums sociaux parce que, entre guillemets, c'est un groupe armé. Fait que concrètement, à la base, le FSM est un espace d'exclusion, un espace dans lequel on permet pas à chacune de s'exprimer, et puis, dans le fond, on a exclu les militants, les militantes les plus radicaux. À mon sens, c'est le symbole d'une trahison historique, d'une certaine gauche plus réformiste qui vise à faire des actions, essentiellement de lobbying auprès des gouvernements, dans une société qu'on sait capitaliste, et puis, dans le fond, gouvernée par le grand capital. Alors, si jamais comme c'est un espace d'exclusion en premier lieu, c'est sûr que ça va continuer comme tel, et puis que les organisations, les ONG, les différentes organisations qui se sont appuyées sur le Forum social dès le départ, concrètement, ils se sont, c'est acheté des organisations qui avaient des perspectives un peu plus réformistes, un peu plus molles. Et puis concrètement, ce que ça a fait, c'est qu'avec les années, ça s'est ramolli. Mais faut garder aussi la perspective historique. Tu sais, en 2003, le Forum social à Porto Alegre avait été organisé avec de l'argent de Petrobras, qui est l'industrie pétrolière, la compagnie de pétrole du Brésil. Fait que dans le fond, c'est ça, puis tu sais, qui exploitait sur des terres autochtones, effectivement. Fait que c'est ça, tu sais, le Forum social, ça a toujours été comme un espace comme ça. Puis c'est ça, moi je trouve que je trouve ça un peu cruel de poser la question au monde, genre qui sont bien intentionnés puis qui s'impliquent dans le forum, parce que moi et tout, pendant longtemps, je voulais qu'il se passe de quoi, tu sais. C'est ça, tu sais, je vais aller quelque part, puis jusqu'à temps que je pogne un mur, tu sais. C'est ça. Bon, ben il y a une sous-question qui venait aussi ensuite. Pourquoi le FSM ne fait rien pour venir en aide aux Palestiniens et aux Palestiniens qui se font refuser leur visa en ce moment? Eh bien, en fait, je m'implique pas personnellement dans la campagne de visa, faudrait demander aux gens, mais je doute vraiment que les gens font rien pour ça. Mais moi, c'est pas ce que je dis en passant, c'est une question. Excuse-moi. Puis, j'en ai aucune idée, en fait. Ouais, mais en fait, y a la campagne de visa, c'est des gens bénévoles qui ont reçu des formations par des gens qui avaient déjà travaillé là-dedans pour accompagner sans discrimination les gens qui souhaitent avoir des visas pour venir au Forum social mondial. Donc l'objectif premier, c'était de dire, on veut permettre cette participation-là des gens du Sud, parce qu'on sait très bien que c'est une question cruciale, parce que si on souhaite un Forum social mondial, le mondial, là, ça le dit quand même, là, il faut qu'il y ait une participation de partout dans le monde. Donc moi j'ai vu les gens travailler dans la campagne visa, j'ai vu les gens accompagner des personnes, que ce soit dans l'Amérique du Sud, en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. Et puis, je sais pas par rapport à cette question-là, donc la personne, peut-être qu'elle a quelque chose en particulier, mais j'ai jamais vu de discrimination. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a des barrières dans le sens où il y a des questions de langue, des questions de culture, des fois. Et les gens, à certains moments, moi, dans ce que je recevais beaucoup de courriels, parce qu'à un certain moment donné, je gérais la boîte info, des gens s'attendaient à ce qu'on donne les visas, alors qu'on n'est pas le gouvernement du Canada. Donc, il y avait beaucoup de confusion parfois sur qui on était. Nous, la seule chose qu'on peut faire, il y a deux choses qu'on pouvait faire. La première, c'est de faire parvenir des lettres d'invitation pour dire, oui, cette personne-là va venir au Forum social mondial. Donc, on atteste d'une certaine façon qu'il y a quelqu'un qu'il y a un événement qui l'attend ici. Puis, donc c'est ça. La deuxième, c'est un plaidoyer envers les politiciens et politiciennes qu'on a fait depuis un an. Ça a pris du temps, ça n'a pas été parfait, puis on connaît gouvernement... En tout cas, on connaît les gouvernements, des fois c'est long, c'est bureaucratique. Donc, par contre, il y a eu possibilité de rencontrer les autorités, pas autorités, excusez, mais les responsables, là, des gens qui octroient les visas. Puis eux, ce qu'ils nous avaient dit, c'était qu'il y avait une possibilité de faciliter dans chacun des consulats dans le monde, ce qui est une tâche assez intense, la venue des gens pour venir au Forum social mondial. Donc là, après ça... Nous, c'est dur de pouvoir faire un suivi là-dedans quand on n'a pas des ressources financières énormes. En fait, on n'a pas d'argent, vraiment. Et puis, des ressources humaines aussi. Donc ça, c'est un travail de tous les jours. Et puis, donc c'est ça. Si je peux ajouter quelque chose, j'ai un peu suivi l'histoire de au moins deux Palestiniens qui se sont vus refuser le visa, et c'est bien entendu pas de la faute du comité d'organisation qui leur a envoyé une lettre d'invitation. On est plutôt dans un contexte qu'on connaît, qui est un contexte international, qui fait que le gouvernement canadien, que ce soit Sud Harper ou Sud de Trudeau, n'est pas très favorable aux activistes palestiniens. Ils en ont laissé rentrer un qu'on va accueillir avec plaisir, mais il y en a deux autres qu'ils n'ont pas laissé venir. Donc en soi, c'est pas de la faute du Forum social, mais si ça peut me permettre de rebondir sur la polémique par laquelle tout a débuté sur l'histoire de la Palestine, c'est que on le savait ça, on le savait dès le début que ça serait difficile de faire venir des Palestiniens au Canada. Et encore une fois, ça repose la question d'un forum dans un pays du Nord. Mais moi, ce que j'espérais, c'est qu'en face, du coup, on ait un engagement du Forum social mondial, que ce soit celui du comité d'organisation de Montréal ou plus haut, le Conseil international, qui soit tellement fort envers les Palestiniens que ça compense un peu ces blocages du gouvernement. Et parce que, bien entendu, pour un Israélien, c'est très facile de venir au Canada. Il n'y a pas un Israélien depuis 60 ans qui s'est fait refuser un visa pour venir. Donc nous, on avait envie de pousser la campagne de boycott des investissements et sanctions, qui est une campagne qui reconnaît qu'il y a une asymétrie dans cette lutte, que c'est plus facile pour un Israélien que pour un Palestinien, et que si on veut faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il respecte le droit international, pour qu'il laisse les réfugiés revenir dans leur pays, pour qu'il arrête de discriminer les Palestiniens et pour qu'il se retire des territoires occupés, il faut faire des pressions sur les Israéliens en tant que pays, en tant qu'entreprise et en tant qu'organisation, et donc d'envoyer un message clair que les Israéliens sionistes, les organisations sionistes, et bon, bien sûr, les entreprises et les produits n'étaient pas bienvenus au Forum social mondial. Dans ce cas-là, il y avait un engagement militant qui était tel que si un Palestinien était discriminé, bah, ils ont l'habitude, ils savent que c'est pas facile. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que eux, ils peuvent pas venir, comme souvent, mais à l'inverse, rien n'indique qu'une organisation israélienne sioniste ne puisse pas venir. Je ne dis pas qu'elles vont venir. Il y a des rumeurs qu'il y en a qui vont venir. Il y en a qui disent que ces rumeurs sont fausses. Mais en tout cas, rien ne leur interdit, a priori, de venir. Et moi, c'est cette asymétrie qui me dérangeait plus que le fait que, je veux dire, les Palestiniens, ils ont l'habitude, plus d'une fois sur deux, ils voient leur visa refusé. Donc, ce n'est pas différent ici d'habitude. D'ailleurs, la question a quand même été envoyée par des gens qui sont très au fait des politiques internationales concernant les politiques du Canada, entre autres, vis-à-vis de l'État d'Israël, etc. Donc, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que tous les pouvoirs reposent sur le Forum social mondial. Par contre, il en reste pas moins que cette question-là existe et qu'elle est portée par plusieurs personnes, je le sais. Non, mais parce qu'on a entendu dire que Imad Temiza, le président du syndicat indépendant des postiers palestiniens, qui est une figure importante du syndicalisme en Palestine, n'a pas pu venir, alors qu'il est déjà venu au Canada en plus. Donc il y a peut-être une volonté spécifique qui ne vienne pas au Forum social, mais une volonté du gouvernement, bien sûr pas une volonté du FSM. Et là, il y a une jeune palestinienne du PYM, du Palestinian Youth Movement, qui a aussi vu son visa refusé. C'est aussi très dommage. À Tunis, au Forum social mondial, les jeunes du PYM, c'était les Palestiniens les plus actifs sur le forum. C'est eux qui mettaient toute l'ambiance et elle va nous manquer, mais c'est la vie. On va prendre une pause musicale. On va écouter La Révolte de René Binamé et nous allons revenir tout de suite avec la continuité de cette entrevue sur le Forum social mondial. Les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres, toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel,

comme je disais, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, ce qui a été fait en parallèle à ça, puis un peu en alternative à ça, ce qui a été fait par les gauchos, genre, qui est un peuple, un peuple argentin, ben dans le fond, c'est d'organiser un mouvement parallèle d'organiser un forum parallèle, dans le fond, un campement autogéré en parallèle pour avoir un espace pour les radicaux. Fait que, tu sais, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que les forums sociaux ont continué d'arriver et puis de se produire. Et puis, dans le fond, les anarchistes, les autochtones, les gens, les exclus, quand ils pouvaient, ils s'organisaient en parallèle. Et puis, ben c'est ça, tu sais, moi, c'est un peu ce que j'ai à dire. Puis, par rapport à ça, mais tu sais, à part si jamais on veut rentrer plus dans les détails, on peut rentrer dans les détails. Oui, on prend l'heure, de toute façon, alors. Tu peux rentrer dans les détails un peu plus, si tu veux. Ben, OK, ben... Tout simplement, tu sais, la division qui s'est produite, je veux dire, pour qui a amené, dans le fond, la création du Forum social mondial, la division sur les tactiques, tu sais, je veux dire, c'est une division qui était fondamentale au tournant des années 2000. Et puis, ben c'est ça, dans le fond, il y avait un mouvement anticapitaliste fort qui existait, je veux dire, par exemple, qui organisait entre autres le Sommet des Amériques à Québec et puis des choses comme ça. Et puis, pour le monde qui était dans l'organisation, la distinction qui était faite, c'était toujours une distinction entre les groupes qui étaient entre guillemets violents, c'était qui avait toujours une considération de la violence, et puis dans le fond, entre les groupes qui sont non violents. C'est-à-dire les groupes qui ne prennent pas part à l'action. Et puis, essentiellement, le débat avait été fait autour de la diversité des tactiques, c'est-à-dire, concrètement, c'est d'accepter puis de ne pas dénoncer publiquement les différentes organisations qui utilisent des tactiques qui sont contraires à la loi. Et puis, concrètement, c'est ça, c'est que si on utilise, je veux dire, ces débats-là qui existaient, qui sont une stratégie contre-insurrectionnelle qui est utilisée, je veux dire, par les gouvernements depuis les années 70, essentiellement, les gouvernements, eux autres, ce qu'ils veulent faire, quand il y a un gros mouvement large de la population qui se soulève, ils essaient de distinguer les bons manifestants des mauvais manifestants. En disant au monde, ben on va vous donner une place dans un comité de consultation, on va vous donner un petit peu de subvention, on va vous donner un petit peu du pouvoir institutionnel qu'on a en trop, puis de toute façon, ça nous dérange pas de le déléguer aux communautaires. Et puis, ben c'est ça, concrètement, le mouvement a été divisé en deux sur une question de diversité des tactiques. Et puis, ben tu sais, ceux qui s'en rappellent, ben, tu sais, ceux-là qui étaient là en 2001 se rappellent que le simple fait de ne pas dénoncer publiquement des organisations qui allaient au-delà de la loi, ben c'était quelque chose qui était rendu difficile à faire. C'était difficile de dire au monde, ben là, voyons donc, là, si jamais il y a du monde qui casse des vitres, c'est un peu pas votre problème. Et puis, tu sais, je veux dire, c'est à la police d'arrêter les gens qui commettent des actes criminels, c'est pas aux mouvements sociaux de faire le rôle de la police. Et puis à l'époque, c'était quand même très difficile de faire ça, puis de garder justement un respect pour chacun, chacune. Puis, ces débats-là qui se sont cristallisés autour du Sommet de Québec, qui se sont cristallisés autour de l'apparition du FSM en tant que tel, ces débats-là, ben, essentiellement, c'est que ça reconnaît absolument pas la souveraineté autochtone sur leur territoire. C'est que si un soulèvement n'importe où d'un groupe qui considère qu'ils subissent plus de violence de la part de l'État que ce qui bénéficie de l'État, et puis qu'ils se disent « on soulève, on les chasse, on les fout dehors », eh bien, concrètement, ces gens-là vont être exclus. Fait que c'est ça, moi, c'est ça, à mon sens, c'est essentiellement... à mon sens, le FSM fait partie d'une dynamique qui visait à marginaliser les mouvements anticapitalistes, qui visait à marginaliser les mouvements révolutionnaires en Amérique du Nord. Et puis, concrètement, ben, le FSM est un peu victime de ce qu'il a fait. Tu sais, je veux dire, essentiellement, ça a été des gens qui ont un peu décidé de confronter le monde et puis de leur dire, ben, OK, si jamais vous voulez changer le monde, ben, vous allez boire du café équitable et puis vous allez acheter des autos électriques. Et puis, ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un peu ce qui est arrivé avec ce mouvement-là. Fait que concrètement, ben, c'est ça, les Autochtones n'ont pas souvent les moyens pour les autos électriques, comme on le sait. Fait que c'est ça, moi, je suis un peu mal à l'aise ici parce que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai commencé à militer, j'ai milité dans des organisations un peu plus réformistes, j'ai milité dans des organisations comme ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, c'est pas confortable, il y a des critiques que je suis pas capable de vivre avec. C'est clair qu'il faut qu'on s'organise d'une manière différente, et puis ben, ça fait partie de mon apprentissage, et puis c'est ça, je veux pas être paternaliste en disant ça, mais c'est ça, c'est difficile de faire la morale. Et puis, c'est ça, en tant qu'extrême gauche, ben, nous autres, on a toujours été divisés. On n'a jamais été capable de dire on boycotte le forum social, tu sais. Parce qu'il y avait toujours des gens qui bénéficiaient. Il va sûrement avoir des conférences super pertinentes d'organisateurs, organisatrices de base. C'est vraiment important. Tu sais, moi, je lis le monde diplomatique qui est une des organisations qui a, qui a commencé les premiers forums sociaux. Alors, c'est ça. Nous autres, on veut pas faire la morale par rapport à ça. On veut que tout le monde participe. On veut créer quelque chose. Et puis, on veut que que les personnes qui viennent au forum social, ben, dans le fond, essentiellement, leur effort soit pas réduit à acheter des ampoules éco-énergétiques, mais que leurs efforts servent à de quoi, et puis que ça aille à lutter contre le capitalisme. Fait que c'est pour ça que nous autres, on veut pas se noyer dans l'espace du forum, et puis être une activité de plus de quelque chose qui est essentiellement, on va avoir une publicité gratuite, mais dans un journal où il y a 1000 autres activités. Fait que concrètement, on est capable de passer des tracts par nous-mêmes. Fait que, on s'organise, et puis on crée un espace dans lequel ça va être possible de confronter le capitalisme montréalais. Quitte à pas être capable de confronter tout le capitalisme mondial ici, ben on va servir de l'espace pour confronter le capitalisme montréalais. Et puis, ben c'est ça, en tout cas, moi personnellement, je suis un travailleur, puis ben c'est ça. Je veux dire, je pense que faut respecter le travail qui est fait par les organisateurs, organisatrices des forums sociaux. On sait que c'est difficile, on sait que c'est vraiment beaucoup de travail, puis souvent, ça a l'air d'une bonne idée au départ, puis c'est en se rendant compte que c'est pas une bonne idée. Que on apprend. Puis c'est correct. Bon, ça amène la dernière question en fait générale qui m'a été envoyée à poser à quelqu'un du FSM, du Forum social mondial. Vous pourrez répondre aussi si vous voulez. De toute façon, je pense que la question elle est collective à beaucoup de monde au-delà de la personne qui représente le FSM ici. Mais elle s'adresse à tout le monde qui y participe ou qui se pose des questions sur le Forum social. Donc, cette question, c'est à celles et ceux qui appellent au boycott du Forum social mondial, comme le fait Revolutionary Democratic Front d'Inde, parce qu'eux, ils ont appelé à boycotter systématiquement le Forum social mondial de Montréal et d'autres instances qui ont un rapport avec le Forum social. Donc, à celles et ceux qui appellent au boycott du Forum social mondial, en disant qu'il ne sert que de soupape à l'impérialisme pour enrayer l'émergence d'un camp révolutionnaire conséquent, que répondez-vous? C'est bien correct. Ben, j'ai rien à dire, d'accord? Tu sais, je veux dire, c'est... En fait, on a dit beaucoup de choses dans Sylvain. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été amenées. En fait, par rapport à l'exclusion, que le Forum social est à la base un espace d'exclusion, ben... Permettez-moi d'avoir d'objections par rapport à ça. En soi, les acteurs et les actrices du Forum social mondial, c'est les organisations, les collectifs de citoyens et citoyennes, les citoyens individuellement aussi, qui s'impliquent dedans, qui donnent la couleur au Forum social. Nous, à Montréal, là je parle bien de Montréal, parce que l'écosystème de chaque... Forum social qui s'est développé en Tunisie, au Pakistan, peu importe. C'est différent. Les organisations sont différentes. Puis, c'est pas la même manière. L'évolution du collectif qui a été créé n'est pas fait de la même chose. Nous, depuis le début, depuis 3 ans, le collectif a été formé, par exemple, au Parc Émile Gamelin, qui était un appel à des individus à venir participer. Il y avait des gens qui savaient pas c'était quoi, il y avait des gens qui connaissaient ça parce qu'ils s'étaient déjà impliqués, tout ça. Et puis c'est à partir de ces gens-là, qui étaient pas des délégués d'organisation, qui étaient là pour produire ensemble un projet, c'est à partir de ces gens-là qu'a été créé la base du collectif. Au fil du temps, il y a beaucoup de dimensions de la société, de personnes issues de différentes dimensions de la société qui ont participé. Donc, je pense, par exemple, au comité diversité, genre et sexualité, qui a élaboré une charte de l'espace sécuritaire basée sur leur propre expertise de ce qui doit être fait si jamais cet espace sécuritaire-là est bafoué par des gens qui discriminent ou qui jugent violemment des gens qui correspondent pas à l'hétéronormativité, par exemple. Donc, il y a ça. Donc, eux sont activement participants dans l'organisation. Puis, par exemple, aussi les gens à accessibilité, handicapés, donc, qui s'impliquent depuis le début. Donc, ça, c'est juste 2 exemples. Mais tout ça pour dire que le forum est à l'image de ces gens-là. Puis, si il y a une certaine réserve par rapport à la participation d'organisations qui prennent le changement par la violence ou la violence militaire, si on veut, donc de s'armer, tout ça, mais c'est justement pour préserver un espace sécuritaire. Donc, le Forum social mondial n'est pas révolutionnaire en soi. Donc, tout le monde le sait. Je veux dire, la charte elle-même, elle n'imbrique pas de prenons la révolution par les armes. Donc, elle ne dit pas ça. Donc, c'est qu'on veut préserver une participation qui soit dans le cadre d'échanges où on crée un espace sécuritaire, justement. Donc, si, par exemple, le Forum social ne prend pas position pour partir une manifestation avec la claque pour, aller dans le quartier des finances, eh bien, c'est parce que on peut difficilement inviter les gens qui vont participer, qui vont être issus de différentes situations, donc les gens, par exemple, handicapés, mais aussi les gens, par exemple, qui ont eu un visa, et de les mettre dans des situations qui pourraient être dommageables pour dans leur vie. Donc, il y a cet aspect-là aussi où il y a une responsabilité par rapport à l'espace. Puis, il y a ça. Par rapport à la participation de la CLAC l'autre organisation, je ne me rappelle plus du nom, qui veut boycotter, eh bien ça, c'est correct. Puis, à l'intérieur du collectif du FSM, on le dit souvent, mais il y a une diversité de positions par rapport au changement, comment il doit être fait. Et puis, on respecte les points de vue divergents sur la manière d'y arriver. Mais le Forum social, puis on espère que les gens qui sont impliqués dans le Forum social mondial, puis qui ont toujours, par exemple, qui vont avoir peut-être découvert par votre manifestation la claque, mais qui vont ensuite s'impliquer là-dedans, puis on espère que les gens qui vont avoir découvert dans une grande conférence la question de BDS, bien, qui vont s'impliquer là-dedans. Donc c'est ça, donc c'est une fenêtre sur un monde. C'est une fenêtre sur un monde de possibilités. Puis c'est un peu comme ça que le Forum social mondial se revendique. Puis ensuite, par rapport à le degré de radicalité, eh bien, ça appartient pas au collectif d'organisation. Parce que le collectif d'organisation, c'est pas le forum. Le forum, c'est les gens qui vont être réunis durant cette semaine-là. Sur cette dernière phrase, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a moyen d'inviter des groupes, de faire des passerelles plus ou moins, de tendre des perches à des groupes plus ou moins radicaux. Mais sur la question du boycott, je pense que c'est une question très intéressante qu'on s'est posée au sein de justement du groupe Boycott des investissements et sanctions, n'ayant pas obtenu gain de cause. Nous, on voulait que le Forum social mondial, le comité d'organisation de Montréal lui-même s'engage à respecter l'appel à BDS et le comité a répondu que c'était pas son rôle et qu'il pouvait pas faire ça. À partir de là, il y avait deux possibilités. On pouvait en tant que comité boycott, dire bon bah dans ce cas-là, on est en terrain défavorable, on ne participe pas à cet espace qui nous paraît pas assez progressiste. On boycotte ceux qui boycottent pas. Exactement. Mais pour tout vous dire, c'est les Palestiniens eux-mêmes du BNC, du Boycott National Committee en Palestine, qui nous ont dit non, allez-y, ne boycottez pas. Et ils ont raison, ils nous ont fait changer d'avis parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on était déçus de se rendre compte qu'on n'était pas en terrain conquis, qu'on n'était pas, que le Forum social mondial n'est justement pas un espace révolutionnaire, n'est pas un espace d'extrême gauche. Et finalement, si on se rappelle, moi, ça fait 15 ans que je milite avec, enfin, ça fait pas 15 ans, ça fait même pas 10 ans que la campagne BDS existe, mais ça fait 7 ans que je milite avec la campagne BDS. Et au début, c'était pas facile de convaincre ne serait-ce que la CSN, par exemple, qui a mis du temps avant de s'engager dans la CSN. Donc, c'est pas si étonnant que ça que, arrivé au Forum social mondial, bon, je l'avoue, j'ai été déçu, j'ai été surpris, j'ai été choqué de voir qu'un espace que je croyais d'extrême gauche n'accepte pas spontanément à bras ouverts la campagne BDS. Et ben ça veut dire que c'est à nous de continuer à porter le message et à essayer de convaincre des gens. Donc on a décidé de pas boycotter. Après, je comprends tout à fait les critiques. Samuel, si tu veux nous réexpliquer ce qui se passe le 13 et le 14, parce que on a beau me le répéter 10, 20 fois, je comprends toujours pas ce que c'est que cette convergence pour l'action, ces espèces de trucs au parc Jarry, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments de ce forum qui sont un peu creux, qui sont un peu, par exemple, si je prends un autre exemple, Samuel nous a expliqué qu'une des volontés, c'était de pas que ce soit des paroles en l'air et que ce soit, qu'on parle, mais vers l'action. Mais si c'était vrai, typiquement, adopter la campagne BDS, c'est typiquement une parole qui devient une action. Donc en fait, je crois que c'est des paroles qui resteront des paroles. C'est pas grave. C'est un espace où il y aura beaucoup de vent, mais c'est pas grave. C'est un espace où on va rencontrer des gens. Et moi, voilà, je suis content qu'on y ait quand même au moins un des trois Palestiniens qui va venir. Il y a des militants BDS des États-Unis, des militants BDS de France qui vont venir. On va pouvoir se rencontrer. On va pouvoir peut-être convaincre quelques personnes. Et puis sinon, on va pouvoir nous s'organiser entre nous. Ça nous permet de nous rencontrer parce que c'est pas toujours facile de faire des réunions par Skype, etc. Donc il y a toujours moyen d'en faire quelque chose sans boycotter. Mais le boycott était tentant, je l'avoue. Bon, alors, choisissez qui parle en premier, mais il y a une question qui a été posée, entre autres, à Samuel. Ouais, ben tu sais, juste pour rebondir, puis dans le fond, on va laisser Samuel terminer, parce que dans le fond, il nous reste 10 minutes, fait que on va... Mais c'est ça, moi, je suis pas en train de dire qu'il y a aucune préoccupation d'accessibilité qui sont prises par le FSM, c'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Je reconnais votre travail, puis je sais que c'est vraiment difficile, et puis, c'est ça. Sauf que ce que je considère, c'est qu'il y a une sélection à la base, naturelle, qui s'est faite des organisations, des individus, qui, dans le fond, vient. Puis c'est ça, les gens qui ont été dans l'extrême-gauche dans les 10-15 dernières années, ben ils savent que le FSM, ben tu sais, c'est pas la panacée, c'est pas la meilleure chose qui a jamais été inventée, puis c'est plus une espèce de gros événement, tu sais, c'est un peu le Walmart de la résistance, et puis c'est ça, nous autres, justement, la critique, c'est exactement ça, c'est qu'au lieu d'avoir une sélection qui a été faite sur des bases politiques claires, et puis sur des bases, tu sais, par exemple, nous autres, on est anticapitalistes, tu sais, fait que, tu sais, dans le fond, on va dire les anticapitalistes, le monde qui se définissent comme tel, plutôt que de définir une base politique claire, il y a eu une prise de position par rapport aux tactiques. Fait que, tu sais, je veux dire, tout, après ça, tout devient social, tu sais, je veux dire, c'est clair que tout est social. Fait que concrètement, c'est ça, c'est excessivement difficile si jamais t'as pas une base politique claire de où ce que tu pars. Fait que c'est ça, nous autres, on trouve que c'est excessivement problématique que ne pas prendre position, puis de refuser systématiquement de prendre position. Et puis, ben, c'est ça, ouais. Pour le 13-14, c'était rhétorique. T'es pas obligé de répondre, Samuel, hein, c'est... Bon, tu peux aussi répondre si tu le sens. Oui, si je le sens. Commencer par ce que Sylvain disait. La question de prendre position, ça, c'est une question cruciale, en fait. C'est une question qui ne date pas d'il y a 3 ans, ça date de 2001, en fait, depuis tout ce moment-là. Ce que j'en comprends, en fait, c'est qu'il y a deux visions, en général, dans les forums sociaux mondiaux. La vision de forum social mondial comme un espace. Donc, c'est celui qu'on va vivre à Montréal jusqu'à maintenant parce que c'est celui par lequel les organisateurs, organisatrices qui s'impliquent depuis 3 ans, ben, par effet de circonstance, on baigne, si on veut, par des contacts, tout ça. Donc, il y a le forum comme un espace, puis il y a le forum comme un acteur. Donc, ce que ça sous-tend, le forum comme un acteur, c'est qu'il peut prendre position puis parler au nom du forum. Mais ça, c'est une question que le forum de Montréal... jusqu'à maintenant, on ne souhaite pas prendre. Parce que ça a été la question pour BDS, ça a été pour autre chose, ça a été pour la lutte contre l'austérité aussi. Pourquoi? Parce que le forum, on ne veut pas que ça devienne pas le monopole, on ne veut pas que ça soit approprié par un collectif réduit d'individus qui décide de position de manière plus ou moins arbitraire, même s'ils ont une pensée politique élaborée, stratégique aussi intéressante, mais juste pour le simple fait que c'est une vingtaine de personnes qui décident ensemble de prendre position au nom d'un forum social mondial, alors qu'au forum social mondial, on sait très bien qu'il va y avoir des milliers de personnes. Donc, à quel nom? Pourquoi faire ça, en fait? Donc, il y avait cette question-là, la question de prendre position. Donc, ce que nous, on a opté à Montréal, c'est de faire un espace. Un espace qui se base sur quoi? Sur la charte des forums sociaux mondiaux, donc celle qui a été élaborée à Porto Alegre, donc qui établit 14 articles sur les questions contre l'impérialisme, contre les néolibéralistes, tout ça. Mais de dire aussi que le Forum social est là pour proposer un espace, donc un endroit où il va y avoir des alternatives qui vont être élaborées. Donc, nous, c'est cette position-là. On s'est dit, il y a la charte des forums sociaux mondiaux qui encadre plus ou moins. Donc, ce qui fait que Monsanto ou une organisation colonialiste en Israël, non, elle ne pourra pas participer de facto. Puis, donc, c'était ça l'idée. Je rebondirai peut-être sur qu'est-ce que Dror a dit plus tôt. Par rapport à la participation de BDS et de prendre position pour BDS, il y a un autre aspect, en fait. C'était qu'il y avait des demandes précises qui avaient été demandées, donc de bannir... En tout cas, tu me reviendras là-dessus si je l'exprime mal, mais il y avait de bannir les organisations et de bannir les individus qui prenaient... sionistes ou... En tout cas, je ne maîtrise pas parfaitement tous les termes. Là. Mais... et nous, la seule chose sur laquelle on était plus ou moins à l'aise... Les organisations, ça a été discuté. On en a parlé en collectif, ça a été animé, ça a été actif, on s'en rappelle. On a fini cette réunion-là plus ou moins sûr de avec quoi on finissait, parce qu'on n'avait pas pris de décision. Donc là, il y a eu d'autres réunions, tout ça. Donc sur la partie des organisations, en séminaire international, avec certaines personnes du Conseil international, ça a été décidé que ces organisations-là, qui ouvertement étaient pro-sionisme, non, elles ne pourront pas participer au FSM. Mais de toute façon, ça, c'était déjà en continuité avec la charte elle-même. Et la deuxième chose, par rapport aux individus, c'est ça qui était l'aspect plus litigieux, c'est que nous, on peut pas... Il y avait l'aspect comment on met ça en pratique. Comment est-ce qu'on fait pour dire que cette personne-là, alors que parmi tant d'autres, elle ne peut pas participer au Forum social mondial. Est-ce qu'on fait une enquête? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est ça? Fait que nous, on voulait une aide de BDS parce qu'on n'était pas du tout fermé à la campagne, même que, bon, il y avait un comité Palestine donc, pour participer à l'intérieur de ça. On s'était dit, c'est là-dedans qu'il faut que vous investissez puis que vous donnez l'image de FSM autour de BDS. Ouais. Donc, je sens que tu vas répondre. Non, parce qu'il n'était pas question de bannir les individus, il était question de d'être explicite, en fait. C'est-à-dire de bannir les organisations, mais pas juste de se dire, nous, entre nous, on vous en faites pas, elles viendront pas, les organisations sionistes, parce que ça, bah, on peut le souhaiter, mais que ce soit écrit noir sur blanc que le FSM, le comité d'organisation, dise, les organisations sionistes sont pas bienvenues. C'est déjà dans la charte. Eh ben, alors, qu'est-ce que ça coûte de le redire? On peut le redire. Ça permettait d'être un engagement. Les individus, il a jamais été question, il y avait le débat de savoir si un individu qui se réclamait du sionisme pouvait venir ou pas, mais ça, on a bien compris que c'était pas possible de faire une enquête sur chacun. Donc, bon, c'est ce type d'engagement, mais, c'est pas facile, c'est sûr. Mais toutes les organisations qui ont participé à l'intérieur des comités autogérés ont eu l'occasion de faire des appels pour dire, par exemple, que ce soit économie alternative, donc je donne un exemple, mais le comité féminisme, le comité diversité, genre et sexualité, à travers nos canaux de communication, ont l'occasion de faire des appels. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était BDS, à travers le comité Palestine, ben, puisse faire cet appel-là à participer à la campagne boycott. Et c'était ça qu'on disait. Et ensuite, de faire le lobby à l'intérieur du Forum social, parce qu'on sait que c'est une organisation qui est organique, composée de... C'est tellement hétérogène. Donc, c'était plutôt ça qu'on proposait comme piste d'action. Ouais. Sylvain, est-ce que tu veux donner un dernier mot sur tout ça? Nous autres, dans le fond, c'est ça, juste pour dire, quand on prend pas position, on prend toujours position, pis c'est ça qui est un peu le piège, pis c'est ça que moi j'essaie de pointer, tu sais, c'est vraiment que ne pas prendre position dans une situation où le forum social est principalement constitué d'ONG qui essaie de faire la job à du monde genre le plus bénévole possible et puis qui est redélégué dans le fond un peu. C'est ça, moi je trouve que tu sais ne pas prendre position, mais c'est toujours de prendre position, tu sais, je veux dire, c'est de prendre position pour l'actuel, pour le statu quo, pour une organisation qui est quand même, tu sais, je veux dire, il y a toujours eu des traces de colonialisme, qui a toujours eu des traces je veux dire quand même d'un espèce de militantisme très très blanc qui essaie d'imposer nos manières de lutter aux autres organisations. Fait que, moi, je trouve que... en tout cas, c'est ça. Je veux dire, je suis content de voir qu'il y a plein de choses qui ont été essayées pour l'accessibilité. Je pense que vraiment, il y a besoin d'aller beaucoup plus loin, de refaire l'histoire du Forum social mondial, de réétudier genre, d'où ça vient, puis pourquoi c'est aussi problématique, puis pas seulement dans une manière consensuelle. Nous autres aussi, on vous invite à une manifestation, je veux dire, qui va avoir lieu le 11 juin à 18h à la Place Pasteur. Dans le fond, le 11 août. Merci. À la Place Pasteur, dans le fond, c'est ça, parce que nous autres, on se dit que pour qu'un autre monde soit possible, va falloir détruire le capitalisme. Et ce que je peux rajouter, le comité BDS va aussi participer à une autre manifestation le 12 août, aussi à la Place Pasteur, mais là, une manif de nuit, donc rendez-vous à 20h, Place Pasteur, donc rue Saint-Denis, pour une manif BDS organisée par Tadam Run et puis par le comité BDS. Ça vient dire le 11 août. Non, le 11 août, c'est la manif du CLAC, à 18h, et le 12 août, c'est à 20h, okay. La manif de BDS, toutes les deux passent par terre. Je vous invite, et tu veux dire un dernier mot, tant qu'à faire? Eh bien, en fait, j'invite toutes les personnes qui souhaitent participer au Forum social mondial, qui ont écouté tout ça, donc de venir participer à cette critique-là, donc le Forum social souhaite cette autocritique-là, puis donc d'avancer plus loin pour les prochains FSM. Donc d'aller sur notre site web, toute l'information est là pour participer, pour voir les conférences, donc il y a la liste de conférences, les grandes conférences dont avec BDS aussi. Puis aussi sur les réseaux sociaux, si vous voulez voir, si vous êtes friand de manifestations, il y a d'autres manifestations, dont celle organisée par le FRAPRU. Tout à fait, le 12 après-midi, donc, avec entre autres une contre Airbnb qui participe à la campagne BDS. Parfait. Donc, c'est ça. Bien, merci beaucoup à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et puis, vous irez ou pas au Forum social, ça vous appartient. Et pour toutes les raisons mentionnées, de y aller ou de ne pas y aller. Merci à toi. Merci. Alors, nous allons vous laisser pour ce soir en profondeur. Émission hebdomadaire de 17h à 18h sur CKUT, CKUT.ca, 90.3 FM dans ce qu'on appelle Montréal.